منها من أمارة النفاق، التخلف عنها من أمارة النفاق. Donc là, on est toujours dans l'évocation des points ou des différents blâmes pour l'individu qui vient à manquer la prière du Fajr en groupe à la mosquée. Donc parmi les critiques qui sont faites aux croyants qui loupent la prière du Fajr en groupe à la mosquée, le fait que cela est un signe de son hypocrisie. Cela est un signe de son hypocrisie. An Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna athqala salatin 'ala al-munafiqin salat al-isha wa salat al-fajr wa salat al-fajr wa law ya'lamuna ma fihima aw ma fiha la atawhuma wa law habwan. Donc là, dans ce hadith de Abi Huraira, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous informe que la prière qui est le plus dure, la plus dure à accomplir pour les hypocrites, sont la prière, ou les prières qui sont les plus dures à accomplir pour les hypocrites, sont les prières du Isha et la prière du Isha et la prière du Fajr. Et s'ils savaient ce qu'elles contiennent comme bienfait et comme mérite, il s'y serait rendu même en rampant. Ensuite, le prophète dit: "Wa laqad hamamtu an amura bis-salati fa tuqam, thumma amura rajulan fa yusalli bin-nas, thumma antaliqu ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah, fa uharriq 'alayhim buyutahum bin-nar." Et ensuite, il dit: et j'ai pensé ordonner l'accomplissement de la prière et placer un imam qui la dirigera pour que je puisse me rendre, moi, ainsi qu'un groupe d'hommes, avec du bois, afin d'aller brûler les maisons de ceux qui ne prient pas ou qui n'assistent pas à la prière en groupe, yani à la mosquée. طبعا هذا إما قبل تحريم التعذيب بالنار أو إما على سبيل الزجر. Donc ça, ce hadith là, soit le prophète عليه الصلاة والسلام il l'a dit avant de prendre connaissance de l'interdiction de châtier les gens par le feu. لا يعذب بالنار إلا رب النار. Personne ne doit châtier par le feu si ce n'est le Seigneur du feu. Ou soit il a dit cela d'une manière à menacer. D'une manière à menacer les gens qui commettent ce genre de péché. وفي رواية والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين أو مرمات أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. Et dans une autre version de ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام dit: si par celui qui tient mon âme entre ses mains, si ces gens, c'est-à-dire les gens qui ne participent pas à la prière en groupe ni du Isha, ni du Subh, il dit, s'ils savaient qu'ils allaient avoir en guise de récompense un os avec un peu de viande, ou les pattes d'une chèvre ou d'un mouton, ils s'y seraient rendus. C'est-à-dire qu'ils se seraient rendus à la prière du Fajr et à la prière du Isha. et à la prière du Isha. قال الحافظ ابن حجر وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن صلاة عن الصلاة بوصفهم بالحرص على شيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به. Et dans ce hadith, dans cette dernière, la dernière version du hadith, l'imam Ibn Hajar, il nous dit qu'il y a une indication qui montre la critique faite à ceux qui ne participent pas à la prière en groupe, car ils sont qualifiés comme étant des gens qui sont vigilants sur le fait d'obtenir des biens qui sont vils. C'est-à-dire là, le prophète, alayhi salatu wasalam, il nous dit que s'ils savaient qu'en participant à la prière du Fajr ou à la prière du Isha, ils auraient gagné un os avec un peu de viande ou des pâtes, les pâtes d'un mouton ou quoi, ils s'y seraient rendus. Ça montre que c'est des gens qui ignorent totalement les mérites de ce genre de prière. فَقَالَ مَعَ التَّفْرِيدِ فِيهِمَا أو نعم مع التفريط فيهما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. طيب وأخرج أحمد في المسند عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشهدهما منافق. Le prophète عليه الصلاة والسلام, dans ce hadith qui est jugé comme authentique, qui a rendu la jugé authentique le Cheikh Muqbil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: n'assiste à la prière du Fajr et du Isha un hypocrite n'assiste pas à la prière du Isha en groupe à la mosquée, ni à la prière du Fajr en groupe à la mosquée. يعني صلاة الصبح والعشاء. وقال أبو بشر أحد الرواة يعني لا يواظب عليهما. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم dit que l'hypocrite n'assiste pas à la prière en groupe du Fajr ou du Isha, ça ne veut pas dire qu'il ne la fait pas ou que tu ne peux pas le voir dans une ou deux prières ici et là. Mais ça veut dire qu'il n'est pas constant. Il n'est pas constant dans l'accomplissement de cette prière en groupe à la mosquée. Wa qala Ibn Umar radiyallahu anhu kunna idha faqadna ar-rajul fi salati al-isha wa as-subh asana bihi dhann. Et Abdullah Ibn Umar, il dit que si nous constations l'absence d'un de nos frères durant la prière du Fajr et durant la prière du Isha, on commençait à penser du mal de lui. Non. Donc tout ça, ça nous montre l'importance d'assister à ces deux prières, plus particulièrement, mais à toutes les prières en groupe. Et là, le prophète, alayhi salatu wasalam, il affirme qu'un hypocrite ne peut pas être constant dans cette pratique, c'est-à-dire le fait de faire la prière en groupe à la mosquée. Ouais. Et ça, c'est vraiment un mérite énorme et clair pour celui qui n'a de cesse de pratiquer ses prières en groupe à la mosquée. Wa fi'lan ya ikhwan qad tajid unasan 'indahum ma'asi 'indahum ذنوب ولكن عندما ننظر في تمسكهم بالصلوات ترى أنهم أئمة ذروة ذروة. ربما الواحد منهم ما فاتته صلاة الفجر أو العشاء على مدار سنوات، وعنده ذنوب وعنده معاصي، لكن هذا ما يتركه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يشهدهما منافق. فهذا دلالة على أن هذا الشخص وإن كان له معاصي، الله سبحانه وتعالى سيوفقه وسيعينه على ترك هذه المعاصي حتى يكون على وفق الكتاب والسنة. Donc tu peux trouver certaines personnes qui commettent des péchés, mais lorsque tu regardes leur accrochement à la prière en groupe, tu vois que ce sont des imams. Ce sont des exemples à suivre dans le fait de s'accrocher à la prière en groupe à la mosquée. Jusqu'à ce que tu peux constater même que certains d'entre eux, ils n'ont pas manqué la prière du Fajr ou la prière du Isha en groupe à la mosquée depuis peut-être des années. Et ça, yakhwan, c'est un mérite adim. Parce que le prophète, alayhi salatu salam, là, il atteste dans ses hadiths qu'on vient de vous lire, que un hypocrite, il ne peut pas être constant dans ces œuvres-là. Enfin, le معنى الكلام, أن الذي يواظب عليه مخلص وليس له نفاق. يعني بالمفهوم بالمخالفة. Si on prend la compréhension de ce hadith par le contraire, on comprend que celui qui est constant dans la pratique de ses prières en groupe à la mosquée, c'est le contraire d'un hypocrite, c'est-à-dire il est sincère. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كانت هذه حاله. Donc ça, c'est une attestation du prophète directement pour toute personne qui se trouve dans cette situation. Donc, c'est très important de se conformer à ce genre de pratique et qu'Allah nous facilite. On lit juste le dernier hadith. وننتهي. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن فإن الله شرع لنبيكم عليه الصلاة والسلام سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. Donc là, dans cette parole, ou plutôt c'est une parole de Abdullah ibn Mas'ud, il dit: celui qui veut avoir plaisir de rencontrer Allah tout en étant musulman, celui qui veut avoir plaisir de rencontrer Allah tout en étant musulman, qu'il protège ses prières, lorsque on l'y appelle, c'est-à-dire l'adhan. Fa'in Allah, car certes Allah a légiféré pour votre prophète les traditions de la guidée. Et certes, ces prières-là sont les traditions de la guidée. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. Et Abdullah ibn Mas'ud dit: et si vous veniez à prier dans vos maisons comme ce mutakhallif, comme cette personne qui contredit la voie droite, si vous veniez à faire comme lui et à prier dans vos maisons, alors certes vous auriez délaissé la tradition du prophète alayhi salatu wasalam. Et si vous venez à délaisser la tradition du prophète alayhi salatu wasalam, alors vous vous égarerez. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد أو إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. Et donc il n'y a pas, ensuite il dit, il n'y a pas un homme qui accomplit les ablutions et qui excelle lorsqu'il les fait, puis a l'intention de se rendre dans une des mosquées sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui écrive pour chaque pas qu'il fait une hasana et ne l'élève d'un degré et ne lui efface un péché. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقْ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. Et moi, c'est-à-dire Abdallah ibn Mas'ud, il dit, je me rappelle de mon époque, c'est-à-dire au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, et on avait pour habitude de ne jamais manquer cette prière, c'est-à-dire la prière du Subh. Et seuls les gens, les personnes hypocrites venaient à manquer cette prière. ولقد كان الرجل يؤتى به ويهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Et même des gens qui étaient en difficulté physique, on essayait de les ramener à cette prière là et on les plaçait entre deux personnes dans le rang afin qu'elles puissent se maintenir à peu près debout. وهذه الأحاديث ظاهرة في دلالة في الدلالة في ذم المتخلف عن صلاة الصبح ووصفه بالنفاق عياذا بالله وفيها وعيد شديد على ذلك وفيها حرص الصحابة رضوان الله عليهم على شهودها والعناية بها. Donc on prend de ces passages que celui qui manque la prière du Fajr en groupe, volontairement, il a certes ressemblé en cela aux hypocrites. Et donc, on voit la grande menace que de louper la prière en groupe à la mosquée du Fajr et que les compagnons avaient pour habitude de ne jamais la louper et ils venaient même à penser du mal si ils ne voyaient pas une personne y assister. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.